بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. On commence aujourd'hui ces دروس ان شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahdah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhadna fi al-dars al-sabiq min adab al-talib annahu yuwakir muallima wa al-tawqir. هو الاحترام أي respecter son معلم son professeur son شيخ les savants de la sunna والإمام السعدي رحمة الله عليه il a cité السبب الواضح pourquoi on doit respecter ceux qui nous enseignent هذا الخير هذا العلم القرآن والسنة على فهم السلف فعندما نعم أنهم ils nous accordent du temps. Et ce temps, il est précieux. Et ce savant, ce temps précieux, il t'accorde une partie. Alors on doit reconnaître هذا الخير. Et on doit le respecter pour هذا. كذلك, تفضل. نعم, transmettre العلم. Et العلم, c'est أشرف ما يكون. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك. نعم لأن الله سبحانه وتعالى يحب من يعلم الناس الخير يحب عز وجل أهل العلم خيركم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا خير الناس عند الله سبحانه وتعالى والعلماء هي ورثة الأنبياء et la mission des prophètes c'était de propager العلم c'est pour ça que c'est les personnes que Allah il aime le plus وهكذا العلماء وهكذا ceux qui suivent العلماء et qui transmettent علم العلماء on doit les aimer et s'entraider في الخير et on doit les respecter et il a donné un exemple طيب رحمة الله عليه qui c'est qui se rappelle pour te montrer la place et le mérite de أهل العلم qui c'est qui se rappelle du مثال on doit les respecter plus que nos parents نعم لكن l'exemple qu'il a cité هنا il a cité un exemple t'as de Coran Là, par rapport au cadeau, si une personne fait dunya, elle te fait un cadeau, fait umur dunya, oui, elle t'offre quelque chose, ça va te toucher, et tu vas être reconnaissant, et tu vas la respecter, tu vas l'aimer. Tahadou, tahabou, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. C'est une cause pour s'aimer. Cheikh Saadi, il a fait le rapport avec le savant, famada? Non, ahsan, l'ilm c'est a'zam. Rubama, il va t'offrir un vêtement, comme on a dit. Rubama, il va t'offrir quelque chose pour chez toi. Rubama, il va t'offrir un stylo, s'il te l'offre, ça va te toucher. Et ça, كذلك, c'est un adab qu'on doit avoir entre talabat al-ilm. Le bon comportement, le sourire, al-nasiha, la fermeté quand il faut être ferme, l'hikma, la douceur. كذلك, les bonnes paroles, كذلك. Tu fais un cadeau à ton frère, inshallah, c'est min asbab al-mahabba, c'est min asbab al-ulfa. Ça, c'est des comportements qu'on ne doit pas négliger. Amma la dureté qui n'est pas à sa place, mauvais comportement, accusation, il ne donne pas son haqq. S'il est malade, il ne le visite pas. S'il fait une faute, il ne le conseille pas. Tout ça, ça divise. Et tout ça, ça fait du mal. Et tout ça, al-shaytan, il rentre min hadha al-bab. Et nous, on est à une époque où l'ayadu billah, anna ba'dahum, hatta al-alim, ils ne le respectent pas. Que ce soit au téléphone, que ce soit dans les assises, que ce soit, ils le critiquent bighayri haqq, ils ne le respectent pas. Il met sa parole au même niveau que la parole des juhal. Et tout ça, ce n'est pas min manhaj salafin al-salih. Fa sunni al-salafi, il se comporte comme c'est cité dans les textes. Il fait des efforts. Et on a des faiblesses. Lakin, notre but, c'est de suivre. Al-Kitab wa Sunnah et Manhaj al-Salaf. Que ce soit dans l'Aqidah, que ce soit dans l'Ibadah, et كذلك dans Al-Mu'amalat, les comportements. Et ça, c'est important. Et on a un naqs fi hadha. Et ça fait du mal. Enfin, chacun, il fait des efforts sur lui-même. Chacun, il se remet en question. Et Akhi al-Karim, ne cherche pas toujours la faute sur les autres. Ça te fera du mal. Toujours remets-toi en question toi. Et si quelqu'un fait une erreur, bien sûr, conseille-le. Adillat al-Kitab wa Sunnah. Lakin, toujours rechercher la faute chez les autres. Et là, Obama, ça vient de toi, tu te remets en question. Et celui qui se trompe, il demande pardon. Celui qui se trompe, il se corrige, ça arrive. Et cette remise en question, et cette tauba, cette demande de pardon envers ton frère, tu as eu un mauvais comportement avec lui, ça va t'élever, indallah. Et ça va t'élever chez ce frère. Il va savoir que tu es aql, que tu es une personne qui veut le haqq. Tu te trompes, tu reviens. Enfin, se tromper, ça arrive. Lakin, on fait des efforts. Khas satan avec ahl al-ilm. Khas satan avec ceux qui te montrent had al-khayr. Ils ont un haqq. Kadhalik, ne pas croire que ce professeur ou ce shir ou ce alim, il est à ton service. Là, Robama, il n'a pas répondu à ton message. Robama t'a téléphoné, il n'a pas répondu. Robama t'a posé une question, il n'a pas répondu. Tu dois avoir un husn al-zann bi al-alim. Il est occupé. Robama, cette question, elle n'est pas utile. La réponse, elle fait plus de mal. Robama, t'es pas prêt à recevoir. Robama, il y a un autre qui a posé une question plus importante. Il a fait passer l'autre avant. Il y en a, il est occupé. Voilà, husn al-zann bi mashayikh ahl al-sunnah wal jama'a. ثم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه وليجلس بين يديه متأدبا الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه il a cité comme titre احترام العالم respecter le savant. أخي الكريم, le fait que tu connaisses أهل العلم, que tu aimes أهل العلم, que tu reviens aux savants de la sunna, c'est une ni'ma من ni'am الله عز وجل. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه وغيره من السلف إن من نعمة الله على الفتى et dans des autres riwayats de certains أثر على الأعجمي على الحدث أي le nouveau في الدين parmi les ni'm que Allah subhanahu wa ta'ala il donne au nouveau et il vient de se convertir ou il vient de rentrer في l'istiqama il vient de débuter في طلب العلم أو الأعجمي أي les non-arabophones أو الفتى les jeunes مهم ceux qui débutent parmi les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala sur هؤلاء أن يوفق لصاحب السنة من أول يوم que Allah subhanahu wa ta'ala il lui facilite la rencontre d'un صاحب سنة une personne qui est à la سنة qui est à la علم ça c'est une ni'ma من ni'am الله عز وجل فpréserve cette ni'ma كم من الناس ils veulent الخير من المسلمين que ça soit fi bilad al-kufr, on virait le bilad al-kufr, ils veulent al-khayr, lakin ils n'ont pas accès au ilm. Personne lui a montré que Fulan s'en est garé. Surtout maintenant avec Internet et autres, toutes ces nouvelles technologies, l'ilm il est devenu accessible. Lakin, akthar al-nas, ils n'ont pas de tamyiz, ils mélangent. Il peut écouter un savant de la sunna, liyanna, il est tombé Obama sur son site ou sur un de ses livres, et il peut écouter un munharif min ahl al-dhalal qui combat la sunna layl nahar. Il n'a pas de tamyiz, personne ne lui a montré. Et ha'oula, kathir minhum, ils sont sincères quand tu lui montres birifq, avec douceur, bi-hikma, bi-ilm. Amma, tu viens et tu lui dis, écoute pas lui, c'est un égaré. Tout le monde, il te demande. Liyanna, il aime cette personne. À force de l'écouter, ça crée des liens. Et lui, il pense que c'est un savant de la sunna ou un talib ilm, mustavi. Enfin, lui, son but, c'est de prendre la religion عند هذا. Et personne lui a montré, il sait pas. Tout ma واحد يأتي et lui dit, délaisse هذا. C'est un égaré. Tout ma, il veut comprendre. Non, mais délaisse. Sans aucune explication. هذا, c'est pas min al-hikmah. On lui dit délaisse. Lakin, on lui montre pourquoi. On lui montre pourquoi. Et كذلك, on lui donne al-bedil. On lui montre al-bedil. Et on lui remplace cet égaré par un savant de la sunnah. Et on lui fait aimer les savants de la sunnah. Inch'Allah ta'ala, s'il est sincère, ça lui fera pas de mal, ta nasiha. Abedan, bel, ça lui fera du bien. Lakin, bref, ta'alamoun, en aba'd al-nas, ça fait, robama, 1, 2, 3, 4, 5 ans, il écoute les égarés. Imma al-ikhwan, imma, wal-ayadu billah al-khawarij, imma al-qussas, ceux qui racontent des histoires, ils sont fasih, ils pleurent dans leur muhadara, etc. C'est un musulman, il aime le khair et il pense que c'est ça le haq. Fa anta, tu dois lui montrer billati hiya ahsan. Tu dois lui montrer manhaj al-salaf. Tu dois lui montrer que fil Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de revenir à ahl al-ilm, pas à ahl al-bid'a, ou al-qussas, ou ahl al-jahl. Thumma tu lui montres shay min surat al-salaf, ou manhaj al-salaf, l'importance du ilm, l'importance de mayiz, et de discerner. C'est pas tous ceux qui appellent et qui propagent et qui font da'wah, ils sont forcément à la haqq. Tu lui montres que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré à cette umma va se diviser. Et que ahl al-haqq, ils sont qalil. Tu lui montres ce qui est ulama al-sunnah, al-a'imma. Et si tu peux lui offrir un livre, des audios, c'est mimbab al-da'wah. Et c'est un genre de cadeau que, inshallah, ça le rapprochera. Et s'il voit que tu as un bon comportement, ça va le faire réfléchir. Et là, il va se dire, hada, il m'a montré un manhaj, une tariqa. Et il a un bon comportement, donc il a dû profiter. Ça peut le pousser à vouloir profiter comme tu as profité. Amma, aucune source. Dureté. Mauvais comportement. Qu'est-ce qu'il va se dire, ce frère? Qu'est-ce qu'il va se dire? Attention, il ne faut pas croire que tout le monde connaît ce que vous connaissez. Il ne faut pas croire que tout le monde connaît le manhaj salafi. Il ne faut pas croire que tout le monde a eu des facilités comme tu as eu. Ils ont du khayr, c'est des salihin, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le qiyam al-layl, il fait le siyam, il fait beaucoup de choses. Lakin miskin, il est à la jahl. Il ne sait pas, personne ne lui a montré. Hada, montrez-lui billati hiya ahsan. Et on a vu, walillahi alhamd, les fruits de hada. On a vu les fruits de cette tariqa. Ne pas confondre, ne pas tout mélanger. Amma, comportement avec ahl al-bid'a'i wa al-tahazzub wa al-inad. Fahaoula, madhab al-salaf, il est connu. Ma'ahum. Amma, Masakin al-Muslimin, qu'on trouve dans beaucoup de pays, ils sont touchés par le jahl. Et kathir minhum, ils aiment le khayr. Et kathir minhum, ils sont touchés par les bons comportements. Hada, on a une mas'ouliya. C'est min ni'matillahi azza wa jal alayk. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité la rencontre de ahl al-sunnah, ahl al-ilm. Tu connais les savants de la sunnah, tu connais leurs élèves, t'essayes de profiter, tu les aimes, t'es motivé. Tansur al-haq. Tout ça, c'est une ni'ma. Enfin, parmi la reconnaissance de cette ni'ma, c'est de la propager. Comme toi, tu as eu des facilités, fais tout ce qui est en tes moyens, parmi les moyens, bien sûr, shar'iyya, pour propager hada al-khayr. Qala azza wa jalla, wa amma bi ni'mati rabbika, fahaddith. Fahaddith. Et tu montres cette ni'ma dans laquelle tu es, et tu la propages. Wa ulama'una, ils donnaient beaucoup d'importance à hada. Beaucoup d'importance au beau comportement. Bal Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. J'ai été envoyé, il a dit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pour parfaire les bons comportements. Donc la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tawhid. On a beaucoup de adillah fi hada, on les a cités plusieurs fois. La da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de montrer al-ibad al-sahiha. La da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de montrer هذه العقيدة الصحيحة الولاء والبراء les noms d'Allah, les attributs d'Allah. Parmi la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bons comportements, tout ça. Et nous, on ne doit pas prendre une partie du din et délaisser l'autre. Là, on doit faire des efforts pour prendre هذا الدين, les usul, faire des efforts في الأصول والقواعد et tout ce qui suit. وبالله التوفيق. قال الشيخ سعدي الآن il va citer les bons comportements qui montre le respect de ce mudarris que tu dois avoir. Le respect du alim, le respect du shir. قَالَ وَلْيَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَأَدِّبًا dans les assises, بِأَدَبْ. Parmi les adabs qu'il a cités, قَالَ وَيَظْهَرْ غَايَتْ حَاجَتِهِ إِلَى عِلْمِهِ. Ça c'est un adab muhim. Et ce talib, quand il est dans une assise, il fait apparaître qu'il a besoin de ce ilm. Et il écoute. Il prend des notes. Il a un support. Si le shir ou le mudarris, ils étudient un livre, il doit avoir ce livre. S'il peut, s'il ne peut pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadhalik, il ne coupe pas la parole. Li'annahu, il est venu pour apprendre. Kadhalik, il regarde en direction du mudarris. Amma si il est assis et il regarde ailleurs, il a la tête ailleurs, hada, c'est un manque de respect. Pourquoi tu es venu? T'es venu pour profiter, enfin, ça doit apparaître sur toi que tu profites et que tu aimes. Ça, c'est parmi l'adab. قال ويدعو له حاضرا وغائبا كذلك الدعاء المدرس الشيخ العالم في الدعاء pour ses élèves et les élèves ils font الدعاء pour leur enseignant pour leur مدرس et on fait beaucoup de dua pour علماء السنة أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم وأن الله سبحانه وتعالى يرحم الأموات منهم كذلك on n'oublie pas de faire الدعاء pour les gouverneurs des musulmans que Allah سبحانه وتعالى il les guide il les préserve et les entoure de salihin, de gens qui les conseillent. On fait du'a kadhalik pour les musulmans. Tout ça, c'est important. قال وإذا أتحفه بفائدة أو توضيح لمشكل فلا يظهر أنه قد عرفه قبله. Ça, c'est un adab tayyib. Si ce mudarris, ce shir, il te cite une faïda, tu fais comme si tu ne l'avais jamais entendu. Ça, c'est min al-adab. Amma ba'dhum, il coupe la parole. Ou il dit, oui, je sais, on m'a déjà dit. Ça, c'est pas min al-adab. Ça, c'est pas min al-adab. Ba'du salaf, wa wahad minhum, ka'annahu Suleyman ibn Mihran, al-A'mash yundar, nasit, muhim, un imam parmi les salaf, il disait, wallahi, anna ba'dahum yuhadithuni bi hadith. Il jure que Fulan min al-Nas, il lui a rapporté un hadith, il connaissait ce hadith avec la chaîne de transmission avant qu'il naisse. Avant que cette personne elle naisse, elle vient au monde. Il connaissait le hadith avec la chaîne de transmission. Lakin, quand il lui a rapporté, il lui a montré, il a fait comme si c'est la première fois qu'il l'a entendu. Pourquoi? Parce qu'il respecte celui qui est venu lui montrer hadal il. Il respecte ce frère, cette personne, les annahu, il a voulu faire du khayr. Et tu perds quoi? T'écoutes, barakallahu fik. Tu savais, alhamdulillah, tu savais pas, t'as profité. Un mal, ouvrir cette porte, et à chaque fois qu'il part, oui, je sais, ou tu montres que tu sais, le shaitan il rentre et ça ouvre une porte à rire et que les gens ils sachent que tu connais. C'est un bab khatir pour talib al-ilm. Ça fera du mal à sa niya, le premier point qu'on a cité. C'est muhim. Tu sais, alhamdulillah, tu sais pas, t'as profité. Ça veut pas dire que si t'as une faïda, tu la cites pas. Là, nahnu l'an, on parle que le mudarris il cite quelque chose. قال ويدعو قال وإذا أتحفه بفائدة أو توضيح لمشكل فلا يظهر. Ça montre bien que si le mudarris te dit une chose et tu la sais, t'as pas besoin de faire montrer que tu sais. أما t'as une faïda ou une correction à faire, comme on va voir. هذا c'est autre chose. Faut pas mélanger المسائل. قال وإن كان عارفا له بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بالشدة إلى الفائدة. كذلك يذكرون من الفوائد شيخ ابن عثيمين وغيره من علماء السنة أن si tu poses la question à un شيخ من المشايخ et on insiste نحن souvent أن les questions on les pose à علماء السنة. On n'ouvre pas le bain, on pose des questions à tout le monde. C'est pas le premier frère, il nous aide, il nous fait un dors dans des choses simples, on l'élève à un niveau qui n'est pas le sien et on lui pose des questions et الأفضل سيدي غوفنيغ أهل العلم بل سي منهج السلف. المهم أن سي كيستيون كون تو بوز لا كيستيون أسو شيخ أسو عالم سي با من الأدب كو تو لوي ديز مي شيخ فلان إلى دي سا سي با من الأدب. مرة شيخ ابن عثيمين لوي بوز أون كيستيون واحد دون أن أوديو إي لوي دي لكن شيخ بن باز إلى دي شيخ ابن عثيمين لوي مونتخي أنه سي با من الأدب. شيخ بن باز سي عالم فاضل سي إمام من أئمة أهل السنة في هذا العصر لكن si tu as posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen c'est pour profiter de lui. Ça c'est min al-adab. Tu poses la question il t'a répondu alhamdoulillah. Il y a un dalil tayyib, t'es pas d'accord, t'es pas obligé de le suivre, tu dois suivre le dalil. Et si c'est une faute tu conseilles. Amma mais Cheikh Fulan il a dit, tu vas aller chez un deuxième Cheikh, tu vas lui dire mais un autre, et ça ouvre une porte de jouer avec le dîn, prendre ce qui intéresse et délaisser ce qui contredit al-ahwa. Fal-hadhar min hada. On pose la question, barakallahu fik, pour la réponse. C'est un dalil, prends. S'il n'y a pas de dalil, personne ne t'oblige à prendre ghayr al-haq. Lakin, le comportement, c'est le comportement. Qala, hada fima ya'rifu, fa kayfa bima lam ya'rifu. Ça, c'est une musiba. Amma si il coupe le mudarris et il fait croire qu'il connaît alors qu'il ne connaît pas, هذه سين مصيبة. أما الشيخ سعدي parle sur celui qui sait. فقال فكيف بما لم يعرفه قال ولهذا كان هذا الأدب الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. Et ça, c'est pas réservé qu'aux savants de la Sunna. Même dans les choses de dunya. Et avec tout le monde. Wahid, il te montre une chose, tu le vois, il est motivé. Il lui barak l'ofik. Même si tu sais. Amma le couper, non mais c'est bon, je sais. C'est pas minel adab. Rupama, il le prend mal, c'est ton frère. Et toi, tu perds rien. Tu perds rien à l'écouter. Et des fois, on croit savoir une chose. Et ça, c'est important. Et en fait, si tu écoutes bien, surtout une personne qui parle dans son domaine, que ce soit dans Dunya ou Fiddin, tu te rends compte qu'en fait tu ne savais pas grand chose. Tu croyais savoir. Donc si tu laisses la porte ouverte et t'écoutes, tu vas profiter. Mais comment si tu le coupes, awalan c'est pas min al-adab. Et deuxièmement, peut-être que tu allais profiter et en le coupant, tu n'as pas profité. Wa ulama'una rahmatullah alayhim wa hafidha al-ahya minhum, ils avaient un adab avec leur mashaykh. عجيب. C'est une des causes qu'ils ont profité. فهذا يحيى ابن جعفر رحمة الله عليه قال لو قدرت أن أزيد في عمر محمد ابن إسماعيل. محمد بن إسماعيل أي الإمام البخاري. Son nom c'est محمد ابن إسماعيل. قال on répète لو قدرتو أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل أي البخاري أي si je pouvais rajouter des années أي il prend des années de sa vie et il les donne al Bukhari si il pouvait قال لفعلتو. Ça montre محبة le respect envers أهل العلم. Il aime le savant. Pourquoi قال فإن موتي يكون موت رجل واحد أي si je meurs c'est une personne qui meurt. Pourtant, Yahya ibn Ja'far, il a du khayr. Lakin, il n'a pas le niveau de l'imam al-Bukhari. Ça nous montre qu'ils connaissaient leur place. Ils savaient, ils connaissaient qadra anfusihim. Et ils savaient que l'imam al-Bukhari, c'était imam asri. Khasatan fi ilm al-hadith. Faqala fa inna mawti yakun mawt rajulin wahid. Si je meurs, c'est un homme parmi les hommes qui meurt. Wa mawtuhu dhahabul ilm. Et sa mort, c'est une partie du ilm qui va partir avec lui. Hakada, il respectait l'ulama. Et hakada, il connaissait, il reconnaissait le rang des savants de la sunna. Wa yaqul al-hakim an-naysaburi rahmatullah alayhi. Sami'tu Muhammad ibn Ya'qub al-hafidh rahimahullah yaqul. Sami'tu abi yaqul. Ra'aytu Muslim ibn al-hajjaj, sahib al-sahih. Cet homme, il a vu Muslim, l'imam Muslim, celui qui a écrit le Sahih, Baina yaday al-Bukhari. L'imam Muslim, c'est un élève de l'imam al-Bukhari. Ra'aytu Muslim Baina yaday al-Bukhari, yas'aluhu su'al al-sabi, tawadu'an wa ta'adduban. Il a vu l'imam Muslim assis en face de l'imam Bukhari, lui poser des questions comme un enfant, il pose des questions à un adulte. Aïe. Adab et tawadu, la modestie et le bon comportement. Il lève pas la voix, il fait pas des gestes avec ses mains, tout doucement, il ne coupe pas la parole, il attend sa réponse. S'il lui dit plus tard, c'est plus tard. S'il lui répond pas, husnul dhan, inshallah, il lui répondra la prochaine fois. Hakada ils étaient à immat as-salaf. L'imam Muslim, lui-même c'est un imam. Son livre, c'est le deuxième livre au niveau de l'authenticité après le livre de l'imam al-Bukhari. Ils ont fait des efforts pour l'ilm ou l'amal. Et parmi l'amal, l'adab. Rahmatullah alayhim. Et beaucoup d'exemples. On a cité ces deux athar. Et ta'alamoun anna l'imam ibn Abd al-Barr, il a un livre, Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli. Il cite Kadalik al-Khatib al-Baghdadi, Ya'tani bihada. Et kathir min ulama al-Sunnah. Qala, Cheikh Abd al-Salam, après avoir cité ce point, il cite un autre point, al-amal idha akhta'a al-muallim. Bien sûr, cette précision, elle est muhimma de Shir Sa'di, ça ne veut pas dire que tu acceptes al-khata. Quand on dit respecter ahl al-ilm, aimer ahl al-ilm, revenir à ahl al-ilm, ça ne veut pas dire que tu acceptes les fautes. Les anna al-ulama, n'importe quel savant, même s'il a un niveau très élevé, il n'est pas préservé de l'erreur. Et de plus que l'erreur. Nous, avec cet amour, on fait attention, on reste objectif. Et notre but, c'est le haqq. Et on fait attention aux passions. Ce n'est pas que tu aimes un savant, que tout ce qu'il dit, c'est le haqq. Cette position et cette asabiyya, ça te poussera à délaisser le haqq d'un autre savant. Enfin, tu es objectif, tu respectes les savants, et ton but, c'est le haqq. Qu'il soit vers tel savant ou vers un autre. Wahdhar, fais attention de ne pas délaisser kalam ahl al-ilm, et tu prends kalam ahl al-batil, ahl al-bid'ah. Fais attention. Quand on dit le savant, il n'est pas ma'soum, ça ne veut pas dire que tu peux prendre d'un autre. Là, si al-haq dans une mas'ala, il n'est pas avec Sheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, maintenant, tu le trouveras avec Sheikh al-Albani. S'il n'est pas avec Sheikh al-Albani, inshallah, tu le trouveras avec Sheikh Muqbil. Wahakada. Et l'erreur de Sheikh Ibn Baz ou de Sheikh al-Albani, c'est un ijtihad. Et inshallah, on espère qu'il est récompensé pour son effort, comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-khata, tu ne le prends pas à la kulli hal. Lakin, en respectant. Combien de paroles on ne prend pas de certains savants? Que ce soit Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Ibn Uthaymeen, ou Cheikh Ouna Yahya, ou Cheikh Muqbil, ou Cheikh Al-Fawzan, ou d'autres. Min ulama et sunna, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas ou qu'on ne respecte pas. Lakin, khasatan si l'insan, c'est un talib, il fait des efforts, il fait des recherches, avec l'adilla, avec les efforts qu'il a fait, que le haqq il est avec tel shir. Et il le prend. Tout en respectant l'autre. C'est ça l'ilm. Tant que c'est un savant de la sunna, et tant qu'il ne sort pas mille usul, ahle sunna, bien sûr. Qala Cheikh Sa'di, wa ida akhta al muallim fi shay, fal yunabbihu bi rifq wa lutf bi hasbi al maqam. Ça, c'est important. L'ilm, ce mudri, ce shir, ce savant chez qui tu vas étudier, il n'est pas préservé de l'erreur. S'il se trompe, et tu as la capacité de montrer l'erreur, tu as compris l'erreur, et on insiste sur ce point, Akhil Karim, ne te précipite pas. Kam min al-ikhwa, il reproche des choses. Robama, il te dit, t'as dit telle chose dans tel cours, ou t'as écrit telle chose, ou un savant de la sunna, il a écrit, et il le dit sous forme d'une tiqad, d'un reproche, et c'est une faute. Thumma, tu lui expliques, et en fait, il n'avait pas compris. Ihdharu min hada. Si tu ne sais pas, rentre pas dans les choses que tu ne maîtrises pas. Min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tam, inshallah, il y aura un savant de la sunna qui corrigera son frère. Et cet autre savant. Il y aura un talib ilm qui fera nasiha à son shir. Il y aura un frère qui fera un conseil à son frère. Lakin, si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ma vouloir absolument trouver une erreur pour y répondre, là, ce n'est pas comme ça. Si l'erreur, elle est claire, tu as des adillah, tu as des aqwal ahl al-ilm ma'ak, tafaddal akhi. Tout ça, قال الشيخ سعدي برفق ولطف, avec douceur. Awalan, remets-toi en question, peut-être que c'est le shir qui a raison. Et là, ça ne veut pas dire que tu vas conseiller quelqu'un que forcément tu as raison. Ntabihu li hada kadhalik. بعض الناس pensent, je vais aller conseiller Fulan, forcément le haqq il est avec lui. Peut-être que tu vas aller le conseiller et tu as tort. Tu as mal compris ce qu'il a dit. Tu as manqué quelque chose. Tu te trompes, clairement. Hada, remets-toi en question. Si tu es sûr et tu as des adillah et tu reviens à Ahl al-Ilm et te montre que c'est une erreur claire, Inch'Allah, conseille Birifq wa Lutf. Al-Lutf, c'est la douceur. Al-Rifq kadhalik. C'est deux mots qui se ressemblent. Inna Allah rafiqun yuhibbu al-Rifq fil amri kulli. Hakada, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fi hadith Aisha, ma kana al-Rifq fi shay illa zana. وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَ. Le rifq, la douceur, quand c'est dans une chose, elle embellit cette chose. Ta nasiha sera embellie. Inch'Allah, la personne qui entend cette nasiha, elle aura beaucoup plus de facilité à accepter. Elle c'est le rifq. Et elle saura que tu veux son bien. Le rifq, c'est muhim. مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ الرَّفِيق. On doit faire des efforts فيها. قَالَ وَلَا يَقُلْ لَهُ أَخْطَأْتَ. Ça, c'est important. C'est pas un bon comportement, هذا. Tu t'es trompé. Pourquoi ? Awalan, on ne sait pas si c'est vraiment une erreur. C'est ton avis pour l'instant. Il y en a t'as des choses, attends la réponse de ce qu'il va te dire ton shir. Maintenant, on va chez un shir, on étudie chez lui, on lui fait shir akhta'ta. Il va te dire tafaddal. Tu vas citer, s'il arrive à répondre et il te montre que tu as tort, tu dois demander pardon de cette parole. Donc, aslan ne la dit pas. Min al-adab, c'est que tu dises ya akhi, ya shir, est-ce que si on comprend le délil de telle manière, c'est pas plus proche, Oh, ya cher, qu'est-ce que tu penses de tel avis? Et tu lui cites le haq que tu as. Thumma ashir sayatanabba. Si il te dit na'am, c'est un qawl tayyib, tu lui fais ya cher, la parole que tu avais dite, est-ce que par rapport à cette parole, comment on fait? Thumma il va te dire sahih. Et hakada, jusqu'à que tu arrives au but. Amma, tu te trompes. Amma, ba'dhum wal a'yadu billah, ils ont un roulou adu. Rubama, une erreur, c'est un dal, c'est un munharif, c'est un. Ça, c'est pas min al-adab, abadan. Avec ulama, ina. قال ولا يقول له اخطأت او ليس الامر كما تقول. Ça montre qu'il y a un manque de adab, tu le sens. Et dans les assises de Ahl al-Ilm, si t'entends واحد qui parle au savant avec des termes comme ici Cheikh Nouadi et comme ici Cheikh Saadi, ربما تستغرب. C'est dur. اخطأت, c'est pas comme tu dis, ليس الامر كما تقول. لا. قال بل ياتي بعباره لطيفه يدرك بها المعلم خطأ من دون أن يتشوش قلبه. C'est ce qu'on vient de citer. Ya Cheikh, qu'est-ce que tu penses de ce hadith? Ya Cheikh, qu'est-ce que tu penses que si on comprend le verset comme ça, peut-être que telle chose, c'est pas. Eh, hakada, tout doucement. Hatta, inshallah, yantabi. Oh, fait le haqiqa, tu vas te préserver. Léana, si c'est toi qui n'as pas compris, le Cheikh, il va te dire là, là, là, là. Oui, oui, ce que tu as dit, toi-même, là, qu'une telle chose, et à la fin, tu es convaincu. Tu lui dis, barakallahu fik. Tu t'es pas avancé comme un suicidaire. Tu t'es pas avancé. Dans ce cas-là, tu t'es préservé. Le chéri te montre, tu lui dis barakallahu fik. Alhamdoulilah, t'as profité. Amma, tu t'avances. Arta, c'est pas comme ça. Il te montre. Le chéri, il va te conseiller que t'as un mauvais adab et tu dois te remettre en question. قال فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب. نعم, c'est un sabab tayyib pour propager le haq et revenir au haq. Même entre nous, nous, quand on parle des comportements à voir avec les savants de la sunna, même entre nous, entre frères, il y a beaucoup de choses, c'est pour les savants et c'est canalik entre nous. Tout doucement. Ya akhi, t'avais dit telle chose, mais qu'est-ce que tu penses de la fatwa de Sheikh Fulan? Mais écoute ce hadith, et lui, il cite. Faites attention, canalik, de ne pas couper l'autre. Hey, c'est moi qui ai le haq, c'est moi qui ai raison, il n'y a que moi qui parle. Ça, c'est pas min al-adab. Laisse-le parler. Thumma tu parles bi-adab. On va le voir, inshallah, il y a un chapitre al-munadara. On précisera hada akthar. Al-munadara entre talabat al-ilm. Quand ils discutent sur un sujet. Qala fa'in al-rad al-ladhi yashabuhu su' al-adab wa iz'aj al-qalb yamna' min tasawur al-sawab min qasdih. Sahih. Al-radud al-ilmiya avec adab, il y a une baraka tayyiba. Bien sûr, al-rudud ala ahl al-bid'a wa al-dhalal. La bas, la shidda, khasatan si al maslaha. Et si tu espères annahu revient, même si il est min ahl al-batil, et tu parles avec des ibarat tayyiba, avec un bon comportement tayyib. Ça revient, chaque situation à la son propre hukm, revenir au savant de la sunna fi hada. Lakin nahnu al-an on parle al-rudud ala un alim parmi les ulama de sunna dans une mas'ala. Il y a juste de montrer qu'il s'est trompé dans telle mas'ala, lakin bi-adab. Bi-adab et avec les points qu'il a cités, l'imam al-Sa'di, rahmatullah alayhi. Thumma qad, Cheikh Abdussalam, al-rujou' anil khata. Et ça, c'est important. Léana, c'est possible qu'on arrive à ce niveau, et après cette nasiha, annahu, il s'est trompé. C'est trompé, clair, ça arrive. Al-an, sa position à ce Cheikh, ou à ce savant, ou à ce frère, à tout le monde, c'est qu'on doit délaisser le khata. Al-khata, c'est marfoud, ala kulli hal. Tu peux être excusé, un oubli, de l'insouciance, mauvaise compréhension. Les savants, ils ont ce qu'on appelle al-ijtihad. Lakin, si le khata, il s'avère que c'est un khata, et tu le vois, tu sais que c'est un khata, t'es obligé de le délaisser. قال الشيخ سعدي وكما أن هذا لازم على المتعلم فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق. نعم كذلك المعلم que ça soit un frère, un mudarris, un shir, si il s'est trompé, il doit revenir. قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الصواب في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه. Et ça, c'est un adab tayyib pour le savant et pour l'étudiant. Si tu t'es trompé, ثم, avec des recherches sincères, avec ilm, tu t'aperçois que le haq, c'est un autre avis, attention au kibr. Reviens au haqq. Et ce retour au haqq, c'est une rif'a. Et ça montre que le ilm, tu commences à profiter, tu profites, c'est bénéfique pour toi. Mais là, c'est le ilm qui te guide l'âme. C'est pas les passions. C'est pas la majorité. Ba'duhum, wallahi, ils savent très bien que dans certaines masa'il, le haqq, il est avec autre. Et le batil, il est avec ceux qui suivent, lakin, il peut pas. Il peut pas revenir. Il peut pas, ils sont trop, il a peur, Foulain, il va le critiquer. Les passions, Obama, il y a un travail, de l'argent en jeu, des fréquentations. قالوا لا يمنعه قول قاله ثم رأى الصواب في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق فالواجب اتباع الصواب الإنصاف والتواضع الإنصاف est objectif est juste si tes objectifs étaient justes ton but c'est le haq si ton shir tu t'aperçois qu'il s'est trompé délaisse son qawl et prends le qawl le sawab et ça te fait aucun mal à toi et ça fait aucun mal à ton shir si vous êtes à la sunna lianna قصد الجميع c'est الحق الحق tu le prends où qu'il est on fait attention أن العلماء quand ils disent الحق tu le prends où qu'il soit ou de celui qui dit الحق on le prend ça ne veut pas dire que tu le recherches vers أهل الظلال là الحق il est forcément عند علماء السنة s'il n'est pas vers un tel il sera vers un autre فطلب العلم وطلب الحق il est عند أهل العلم وأهل الحق ça c'est important ne pas croire que بعض الناس ils entendent oui c'est vrai il faut suivre الحق Enfin, je vais chercher n'importe où le haqq et je le prendrai là. Si tu recherches le haqq inda ahl al-dhalal, awlan, t'as pas assez d'ilm pour savoir le haqq min al-batil. Faroubama, c'est vrai, tu vas prendre un haqq et tu vas prendre tout le batil qu'il a. Et tu pourras plus discerner. Et c'est une fitna. Le haqq, on le prend inda ahl al-haqq. Qala, sawa'un ja'a ala yid al-sagir ou al-kabir. C'est cette précision qu'on a fait. Lakin, notre recherche et nos efforts, toujours inda ulama et sunna. Comme ils nous ont démontré, السلف. Et on a cité des athar plusieurs fois في هذا الباب. قال ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطأه. Ça c'est une ni'ma صحيح. Et ça fait plaisir au muallim, au mudarris. أولا, il s'aperçoit que ses élèves, ils profitent, ils suivent, ils font des efforts. لأن ils lui ont montré une de ses erreurs. كذلك, c'est une ni'ma, أنه il délaisse cette erreur et revient au haqq. لأن suivre l'erreur, c'est pas طيب. Ces élèves, c'est une cause pour ce mu'allim qui suit le haqq. Et le mu'allim, c'est une cause pour les élèves qui suivent le haqq. Entraide, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Tout ça, bien sûr, avec ce que Cheikh Saadi l'a cité. On ne se précipite pas, on fait attention. Parce que, rubbama, on veut faire du khayr. Et tellement qu'on veut faire du khayr, on est motivé, on se précipite, on manque des étapes. Et à la fin, c'est le mal qui arrive, ce n'est pas al-khayr. On fait attention, tout doucement. Tout doucement, on réfléchit bien. Certaines pour le débutant. Des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu crois que c'est ça, ce n'est pas ça. Des choses pour toi, elles sont évidentes. Wallahi, si tu viens à rechercher, ce n'est pas du tout ça. Tout doucement. Bien sûr, tout ça avec du'a. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadat. Qala wa yurshiduhu ila al-sawab. Li yazul istimraruhu ala jahlihi. Fahada yahtaj ila shukrillahi ta'ala. ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما كان أو غيره أو غيره لا يشكر الله من لا يشكر الناس celui qui te fait une nasiha qui te montre une erreur فتشكر الله et كذلك تشكر هذا الشخص avec كلمه طيبه بارك الله فيك tu reconnais son فضل et inshallah يحصل خير ثم قال ومن أعظم ما يجب على المعلمين الآن le comportement Si tu ne sais pas une chose, que ce soit pour le mu'allim, le cheikh, le mudarris, le savant, ou pour l'étudiant, si tu ne sais pas une chose, et ça c'est important. Qala ba'du salaf, Allahu a'lam, nisful ilm. La moitié du ilm c'est Allahu a'lam. Et ça fait partie du bon comportement. Avec celui qui t'écoute, Et kadalik du bon comportement avec Allah, Rabbul Alamin, Jalla wa Ala. Tu sais pas, tu sais pas. N'essaie pas de te forcer. Al-hadra min al-takalluf. On ne sait pas, on ne sait pas. Allahu Alam. Ça ne veut pas dire que tu ne sauras pas plus tard. Là, Allahu Alam, et tu fais des efforts. Tu fais des recherches. Si on te pose une question, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Toujours, on s'habitue, nous, vu qu'on n'a pas beaucoup d'ilm, on renvoie les gens à l'ulama al-sunnah. Inch'Allah, ils trouveront le khayr. Et on fait des efforts, on fait des recherches. Hatta, inshallah, on a le ilm dans ce sujet qu'on ignore. قال وليس هذا بناقص لأقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال دينهم وتحريم للصواب وتحريهم نعم وتحريهم للصواب أي ça montre que leur objectif, leur but c'est la vérité et كذلك ça montre qu'ils ont un dîn قوي. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils disent Allah أعلم c'est qu'ils craignent Allah عزّ وجل. Il a peur. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. Ne rentre pas, ne dis pas, ne te prononce pas dans une chose que tu ignores. ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Si tu ne sais pas, reviens أهل الذكر et dis الله أعلم. الإمام مالك رحمة الله عليه كما ذكر الهيثم ابن جميل قال شهدت مالك ابن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري 40 questions lui ont posé 40 sujets 32 questions sur 32 sujets il a dit je ne sais pas Allah Alam. Il a répondu à 8. الإمام مالك إمام دار الهجرة الإمام المشهور الثبت الثقة الحافظ صاحب الموطأ رحمة الله عليه هذا سليم مالك. نحن أولا on répond pas نحن هذا ça صواب نحن on n'a pas à répondre sauf dans certains cas bien sûr un de tes proches il connaît pas les amants de la sunna une question simple la réponse elle est évidente même dans ce cas essaye de lui répondre avec kalam ahl al-ilm avec une fatwa d'un savant avec un audio et insiste sur les références amma les questions azim des fitan des choses qui se passent des guerres des divorces des choses dont Obama ça divise. Ya akhi, qui c'est qui t'a donné cette responsabilité? Mais si on ne répond pas, ils vont s'égarer, ils vont aller voir des égarés. Ça, c'est ce qu'on appelle le takalluf. T'es pas responsable. Tu lui montres, reviens chez les savants de la sunna, tu lui passes un numéro de téléphone, tu lui passes une adresse, tu lui passes un audio, un livre, et après le reste, c'est pas toi. Amma, tu veux guider les gens en te faisant du mal? Ça c'est pas min tariqati salaf. Et Al-Hafidh Ibn Abd al-Barr dans son livre Al-Jami' Jami' Bayn al-Ilm il a cité plusieurs athar fi hadha. Qala wa fawa'id at-tawaqquf mimma aw amma la ya'lam. Ça c'est le titre de Cheikh Abdus Salam. Aïe, les profits, les bienfaits si tu t'arrêtes et tu rentres pas dans les choses que tu ignores. قال الشيخ سعدي وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة منها أن هذا هو الواجب عليه ولا تقف ما ليس لك به علم c'est obligatoire وقال عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلم ça c'est interdit donc الواجب c'est que tu parles pas بلا علم قال ومنها أنه إذا توقف وقال الله أعلم فما أسرع ما يأتي علم ذلك من مراجعته غيره فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد في تحصيل علمها كذلك c'est un درس pour ceux qui assistent لأن les élèves s'ils entendent leur chef leur professeur dire الله أعلم ça va les motiver à faire des recherches ça va les motiver ربما leur chef il fait une recherche et il leur lit البحث et le جميع يستفيدون أما rentrer dans une chose parler sans علم tu te trahis toi-même et les autres si les autres ils t'écoutent قال فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد في تحصيل علمها والتحاف المعلم بها فما أحسن هذا الأثر نعم surtout si c'est des étudiants ils ont un niveau wallahi alhamd et ils étudient chez un savant et ils font cette recherche et ils la donnent à leur cheikh et leur cheikh il la lit et il l'approuve tout le monde profite قال ومنها parmi les profits كذلك أنه إذا توقف فيما لا يعرف كان دليلا على ثقته وأمانته وإيقانه فيما يجزم به من المسائل. Ça c'est une faïd عظيمة. أن ton professeur si dit Allah علم dans des sujets, tu sauras que c'est une personne de confiance. Et quand il parle, c'est qu'il parle بعلم. Si c'est tu, il ne sait pas. Donc toi tu conclus que Alhamdulillah quand il parle c'est بعلم. لأن quand il ne savait pas, il a réussi à dire je ne sais pas. أما واحد, il parle toujours. Dans tout. Alors qu'il n'a pas le niveau, هذا fait attention. لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. قال كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب أي الشك في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. نعم. Celui qui fait beaucoup d'erreurs, il parle beaucoup sans ilm, il parle qu'il wa qal, des fitans, t'as plus confiance en lui. Même une chose claire, t'as peur de l'apprendre. Et c'est normal. قال ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا لهذه الطريقة الحسنة. Et ça, ça montre que طالب العلم il profite des assises de science du comportement du shir. Ce shir, c'est dit Allah alam, ففي الحقيقة c'est un dars pour ceux qui écoutent, pour ceux qui écoutent, un dars. لأنهم eux-mêmes la prochaine fois s'ils ont une situation ils savent pas, ils diront Allah alam. قال والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. نعم. T'es plus touché par des أعمال أي des choses que tu vois de ton shir que repamment par une nasiha, une parole. Maintenant, il peut te dire attention, ne parlez pas sans ilm, dites Allah alam quand vous ne savez pas. Ça va te toucher. Lakin, tu le vois lui-même le faire, ça va être أبلغ. أي le athar il va être أقوى. Tu vas être beaucoup plus touché. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج افاق.com